Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Et bah, qui dit vendredi dit billet de sortie. Donc l'émission qui va suivre est, comme vous commencez à en avoir l'habitude, un florilège d'annonces, d'événements à venir avec bien entendu des phoneurs. Et petite surprise, hein, comme il y a un concert de musique indienne samedi à Épinal, j'ai décidé de vous passer un morceau de musique indienne, un morceau raga, donc de la musique indienne classique. Vous l'écouterez juste après, mais en attendant je vous laisse toutes les différentes interviews que j'ai pu faire et on se retrouve juste après la conclusion. Et pour ce billet de sortie, on va commencer par les fêtes. Avant toute chose, à Cornimont aura lieu la fête du vélo organisée par l'association Ballast. Donc ce sera toute la journée du samedi de 10h à 19h. L'entrée est gratuite, il y aura restauration sur place et diverses animations. On aura déjà un concert avec Cabaroc à 11h, ensuite avec Face de Face à 13h30. Il y aura un spectacle d'art du cirque à 15h et une conférence à 18h à l'ECSP, donc l'espace culturel et social de la Pranzière, animé par Luc Devor sur la thématique 5 mois sur les pistes d'Amérique du Sud, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili. Et tout au long de la journée, atelier réparation de son vélo, circuit ludique prévention routière, jeu ludique et vélo à gagner. Donc ça se passe à l'entrée de la Voie Verte pour la fête du vélo avec l'association Ballast. Autre fête dimanche, la foire au beignet du Tillot avec un salon de médecine douce et du bien-être. Une foire automobile, une foire au beignet comme son nom l'indique, avec de nombreuses animations. Donc énormément de stands à beignet comme chaque année. Un stand avec des pompiers, une animation avec des chiens livriers. Le guide du vaqueux sera de la partie et il y aura élection de Miss Beignet. Donc ça se passera le dimanche 3 juin dans l'hypercentre du Tio et l'accès est entièrement gratuit. La fête se déroulera en début de soirée. Autre fête, mais d'une toute autre ampleur, ce week-end, samedi et dimanche, donc 2 et 3 juin, à Strasbourg aura lieu la Japan Addict Z, une édition spéciale Ghibli pour les amateurs de dessins animés japonais. Et j'ai eu en phoneur Xavier de l'association Kakemono qui organise cette convention, qui est venu nous en parler dans nos micros. Et festivals seront au goût du jour pour ce week-end à Strasbourg. Il y aura la Japan Addict Z, édition spéciale Ghibli. Et pour en savoir plus, j'ai Xavier de l'association Kakemono en Fauneur. Bonjour Xavier. Bonjour Lou. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer en quoi consiste l'association Kakemono, vu que j'imagine que c'est une première à Radio Gemozo? Oui, absolument. Alors, l'association Kakemono, c'est une asso qui est née en 2002 à Strasbourg, et qui avait pour but initial de mettre en avant la culture geek et la culture japonaise à Strasbourg. Au tout début, on a commencé il y a donc maintenant presque 15 ans, plus de 15 ans du coup, avec la petite salle de la bourse. On avait une petite dizaine d'exposants pour la toute première Japan Addict. On s'attendait à avoir 100 visiteurs, on en a eu 500. On a été un peu surpris pour le coup et on s'est dit qu'on allait continuer ce qui devait être au départ qu'une fête ou une petite kermesse de fans et une façon de se retrouver entre amis est devenu un petit peu un des rendez-vous incontournables de la culture geek dans le Grand Est. Ah oui, effet. Et, ouais. Et c'est comme ça qu'après est née la Japan Addict Z, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a maintenant 4 ans, on s'est rendu compte que malheureusement, les salles municipales de Strasbourg n'étaient plus assez grandes pour nous, qu'on avait de plus en plus d'exposants, de plus en plus de visiteurs, et qu'il fallait viser un petit peu plus grand pour le coup. Donc on est passé d'une salle municipale au Zénith, dans le genre des plus grands, je crois qu'on a fait bien. Et donc ça, c'est la 4e année qu'on s'y retrouve, et on commence à se dire qu'on est presque à l'étroit, en fait, là-bas aussi. Ah oui. Et, donc l'idée qui est derrière, c'est qu'on soit un néophyte ou un connaisseur de cette culture. Tout le monde est bienvenu, et on espère accueillir les gens dans une ambiance la plus bienveillante et chaleureuse possible. En effet, et le thème de cette année, c'est Ghibli, si je ne m'abuse. Pourquoi le choix des studios Ghibli? Alors, c'est un choix qui s'était fait il y a un peu plus d'un an maintenant, parce qu'on est déjà, nous, des grands fans des studios Ghibli, et du coup, avec le décès de Takahata en avril dernier, ça s'est d'autant plus imposé pour nous. Donc c'est vraiment un choix passion en fait. On est des grands fans de l'œuvre de Ghibli en général, particulièrement Miyazaki et Takahata justement. Et on avait envie de mettre un petit peu en avant ces univers-là, puisque c'est entre autres avec le voyage de Chihiro en 2002 que tout a démarré, parce que c'est le film d'animation qui a été le déclic pour nous lancer dans l'aventure Kakemono. En fait. Ah oui, en effet, donc c'est une véritable histoire d'amour, et le Zénith de Strasbourg, c'est quand même assez grand, il va y avoir quoi? Il y aura des animations, il y aura des stands, il y aura des spectacles, qu'est-ce qu'on pourra voir? Il y aura tout ça en fait, donc il y a 155 stands intervenants et associations au programme, 2 scènes animées en continu, dont sur la grande scène le concours cosplay, qui est une pratique hyper récurrente de ce type de convention. Alors pour ceux qui connaissent pas trop l'univers du cosplay, c'est la contraction du mot costume et player. L'idée qui est derrière, c'est d'incarner un personnage dont on est fan pendant une prestation de quelques minutes sur une grande scène devant un jury et d'autres fans. Donc le samedi, c'est un concours cosplay solo. Le dimanche, c'est un concours cosplay en groupe. On aura un espace qui est dédié à la musique, un autre qui est dédié aux jeux traditionnels de plateau, et un troisième espace dédié aux jeux vidéo, avec chacun des animations spécifiques, des jeux sur scène et hors scène. Et surtout, on a deux grands moments de spectacle, puisque le samedi soir, on reçoit le groupe Naël Band, et avec en première partie un autre groupe qui s'appelle Magoyond. Alors Naël Band, c'est un groupe musical qui narre les péripéties d'une bande d'aventuriers. C'est originaire d'une saga MP3 qui s'appelait Naël Buck à l'époque. Donc c'est des accents médiévaux et celtiques. Ça tire clairement sur Kaamelott et Seigneur des Anneaux à la fois. Et le dimanche soir, donc ça c'est le samedi soir, et le dimanche soir on clôture avec un grand show qui nous est proposé par l'école de maquillage professionnel Métamorphose, qui va nous faire un défilé d'une heure qui est proposé par des spécialistes du maquillage d'effets spéciaux, de la télé et du cinéma, avec entre autres des effets pyrotechniques au programme. Oui, en effet, donc ça fait beaucoup de temps fort, ça fait beaucoup de choses au programme. Et bon, ce serait peut-être bien de savoir, bon déjà on sait que ce sera au Zénith de Strasbourg, mais les horaires d'ouverture en fait pour accéder à cette convention. Alors, le salon en lui-même, il est ouvert de 10h à 19h le samedi et le dimanche pour le public, et le concert, il aura lieu de 20h à potentiellement très tard, puisqu'on ne sait pas toujours comment arrêter le Nullband, mais théoriquement de 20h à 23h, 23h30 dans ces eaux-là. Ah oui, donc des belles soirées en Oui. perspective. Et pour ça, quels sont les prix d'entrée pour cette convention? Alors, on a un tarif de 10 euros pour la journée, 15 euros pour le week-end. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et pour le concert, il faut rajouter un petit peu quelque chose au bout, puisque c'est 15 euros si on va juste au concert ou 10 euros si on a déjà un billet pour la Japanade. Ah oui, en effet. Et globalement, bon, le Zénith, c'est grand, mais il y a une attente de combien de visiteurs pour cette année, pardon? Alors, les 2 dernières années, on avait dépassé les 6 000 visiteurs, donc on vise à peu près le même type de fréquentation, mais je vous cache pas qu'on espère augmenter un petit peu les chiffres. Eh bien, on l'espère pour vous. Et Xavier, dites-moi si un auditeur a envie d'en savoir plus, alors pour la Japan ou pour votre association, il peut passer par où? Alors, on peut nous retrouver sur Facebook, Association Kakemono, Kakemono. On a une page avec tous les événements qu'on organise. Et on peut aussi nous retrouver sur Internet, sur notre site, sur www.asso-kakemono.fr. Eh bien, c'est tout noté. Je vous remercie beaucoup, Xavier, pour votre intervention. Un bon courage pour cette convention. Je répète, la Japan Addict Z, édition spéciale Ghibli, pardon, que je le prononce bien. Donc voilà, et puis peut-être pour les auditeurs, j'arriverai à attraper du son là-bas, vu que je compte faire un petit tour à Strasbourg ce week-end. Merci beaucoup, Lou. Au revoir et à ce week-end, j'espère. Oui, au revoir, Xavier. Sorti cette fois beaucoup plus calme le dimanche 3 juin avec le centre de secours animalier de Brouvelieure qui organise une sortie avec des chiens avec un parcours balisé entre 10 et 15 km. Et pour cela, j'ai Valérie du CSA de Brouvelieure qui est venue en parler pour vous. On va parler maintenant d'animaux et de protection animale, vu qu'en effet, ce dimanche 3 juin, le centre de secours animalier de Brouvelieure organise une sortie pour nos amis à quatre pattes. Et pour cela, j'ai Valérie au téléphone pour nous en dire plus. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette journée du 3 juin? Donc, le centre de secours animalier organise sa 9e marche quatre pattes. Alors ça consiste en donc il y a deux parcours qui sont balisés, un petit parcours de 5 km, un autre de à peu près 10 km. Donc les gens viennent s'inscrire pour avoir le parcours, c'est une inscription à 2 euros. Les participants peuvent venir avec leur chien pour se promener donc avec leur chien, tenu en laisse bien sûr, et puis on peut aussi se promener avec un chien du refuge. Donc là, faut passer à l'accueil et puis selon la marche que vous voulez faire, la directrice vous propose un chien que vous pouvez promener en laisse bien sûr également. Voilà. Et donc cette sortie se déroule du côté de la forêt de Brouvelieure, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Autour du refuge en fait. Ah oui, tout simplement. Et cette journée, donc, si je ne me trompe pas, c'est de 9h à 14h. Le départ peut se faire à n'importe quel moment de la journée ou c'est vraiment deux groupes qui partent tous en même temps? Alors, en fait, les départs sont entre 9h et 14h. Hein, et donc, quand les personnes reviennent, il y a possibilité de petites restaurations. On va proposer des petites crudités, du pâté lorrain, des quiches aux poireaux, glaces, boissons, tout ça, quoi, pour que ce soit un peu convivial, tout ça. Oui, et quel est le but, en fait, de cette journée? Ben alors c'est faire connaître le refuge. Et puis ben que les personnes, même les personnes découvrent parfois des animaux. Personnes, des fois les personnes viennent et rencontrent voilà l'animal qui pourra leur convenir. Ça peut être une pré-adoption quoi. Oui, comme vous l'avez dit, hein, il est possible de partir en promenade avec un chien du refuge et voilà. Il est possible aussi de l'adopter. Après, dites-moi, dans le meilleur des cas, une famille ne peut pas partir comme ça le jour même avec un chien. Il y a d'autres démarches à mettre en place. Le jour même, non. Le jour même, effectivement, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas vraiment le temps. Il y a des démarches, effectivement, de mieux connaître la famille et le chien, voilà. Et donc à ce moment-là, on demande aux personnes de revenir la semaine suivante, enfin voilà, quand ils ont l'occasion. Oui, en effet. Et d'ailleurs, est-ce que ça peut encourager des personnes à adopter ? Vous dites que c'est la 9e édition, mm-hmm. Donc ça s'est déjà fait durant les 8 autres éditions ? Oui. Il y a eu quelques adoptions suite à la marche, oui. En Je ne vais pas vous dire combien. Mais... Non, mais c'est bien, et puis c'est une autre manière, j'imagine, de faire se rencontrer les êtres humains avec les chiens qui attendent d'être adoptés. Hein. C'est aussi une autre manière, un autre type de rencontre, parce qu'après tout, on n'adopte pas un animal comme ça, on le rencontre toujours d'abord. En tout cas dans les refuges. Donc vous aviez dit la sortie donc coûte 2 €, hein, ce qui est tout à fait peu. Il y a 2 circuits de 5 ou 10 kilomètres. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants ? Il n'y a pas un nombre maximum de participants. Par contre, il y a une quarantaine de chiens du refuge qui peuvent sortir. Donc ça limite en fait. S'il y a 50 personnes qui veulent un chien, c'est sûr que... Mais il y a une quarantaine de chiens, et puis ils peuvent faire la marche aussi avec leurs chiens, les personnes qui... Oui, bien entendu. D'ailleurs, c'est une des dernières questions qui me vient, donc il faut pas spécialement... Il faut pas spécialement venir être accompagné d'un chien, on peut faire la marche aussi sans un chien. Ah, d'accord, c'est une bonne chose aussi, peut-être histoire de rencontrer d'autres personnes, mais je voulais dire aussi, on n'a pas spécialement besoin de réserver notre présence à la sortie. Non, il n'y a pas de réservation. C'est le jour même, en fait. Et tout le monde peut venir, personne seule, famille, couple ? Tout à fait. Tout le monde peut venir, les enfants, les parents. Vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs l'adresse du rendez-vous ? Alors, le refuge, donc, c'est 41 rue des Forges à Brouvelieure. Voilà, c'est à l'accueil. Il faut se rendre à l'accueil. Tout simplement. Bah écoutez, je vous remercie Valérie pour ces informations. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à ajouter au cas où j'ai omis une question. Non, je crois que je vous ai tout dit. On attend le beau temps et voilà. Et du monde. Eh bien, on espère pour vous qu'il y aura du monde et du beau temps, tant qu'à faire. Bon courage pour cette journée et puis à bientôt pour d'autres nouvelles. Eh ben merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. L'heure est au concert maintenant. Avant toute chose, ce vendredi 1er juin, Philippe Roussel et Maxime Vautier présentent un concert intitulé « Juste une parenthèse ». Donc ça se passe à 20h au Café Créma, 11 rue des Sapins à Damieul. Et les renseignements se font au 03 29 30 62 70. Toujours dans la même soirée, mais on change de région, à Colmar, au Café Murphy. Caroline Jonf, donc l'invitée de Gilou de cette semaine, fait un concert hein, à 21h, donc dans le Café Murphy à Colmar. L'entrée est tout à fait gratuite et le concert débute à 21h. Si les arts du spectacle, si les arts vivants vous intéressent, les spectacles de magie, de clown, de danse et de chant, le grand show est pour vous. Donc ça se passe le 2 juin, le samedi 2 juin à 20h30 à l'espace Flambeau à Mirecourt. Et j'ai eu pour cela Hubert Pierrot Craco de l'association Passion Show qui est venu en témoigner par l'interview que je vais vous laisser écouter. Comme je viens de le dire à l'instant, hein, il y a ce week-end à Mirecourt un spectacle, hein, un grand show. Vous le saviez déjà vu que j'ai reçu l'association le Passion Show le 12 avril dans nos studios, mais ça y est, vient le moment enfin du spectacle tant attendu, tant préparé. Et pour ça, j'ai Hubert Pierrot Craco au téléphone. Bonjour Hubert. Oui, bonjour Lou. Alors, qu'est-ce que tu peux nous redire sur l'événement qui aura lieu demain soir, donc samedi 2 juin à Mirecourt? Eh bien donc, demain 2 juin à Mirecourt, Espace Flambeau, c'est le grand show, une scène ouverte, mais avant tout un grand spectacle de variété qui mettra en scène une trentaine d'artistes, aux talents divers et variés, puisqu'on aura des chanteurs, des danseurs et des magiciens. Voilà, donc des artistes qui vont offrir un beau spectacle de tout leur cœur, de tout leur talent. Voilà. Sachant que ce sont en tout cas, oui, de jeunes talents. C'est en même temps donc une scène ouverte, c'est-à-dire un concours. Mais tous ensemble, ces artistes et l'association Passion Show allons relever le défi d'un beau spectacle, d'une belle soirée, donc une sortie familiale idéale à cette saison, demain soir à Mirecourt. Voilà. Tu peux rappeler déjà dans quel endroit ça va se dérouler? Oui, ça s'appelle l'espace Flambeau à Mirecourt. C'est une salle vaste qui peut accueillir un public nombreux. La salle comporte une scène également très vaste, qui va être aménagée par notre association avec une très belle scénographie, de beaux effets de lumière. Tout le monde va vraiment concourir à mettre en valeur nos candidats et surtout donc à offrir aux spectateurs un beau spectacle de variété. Et d'ailleurs, combien d'artistes vont défiler ce soir? Alors en fait, pas 14... ce soir, pardon, samedi. Oui, demain soir, demain samedi. Ben, en fait, 14 candidats, mais comment dire, un candidat, c'est parfois un groupe ou un duo. Donc ces 14 candidats représentent en fait au total une trentaine d'artistes. On a par exemple un groupe de danse, on a un groupe orchestre-chant, on a un groupe de danse orientale, etc., un duo de magiciens, enfin voilà. Au total, donc une trentaine d'artistes sur cette scène, chacun ayant, alors selon le principe de la scène ouverte, 6 minutes pour convaincre le jury et le public. Voilà, donc ça représente au total 2 bonnes heures de spectacle, avec aussi alors en invité exceptionnel et hors concours, parce qu'il est membre de l'association, le magicien Lambert du Décor, qui a été cette année encore finaliste du championnat de France de magie, qui a conquis la 3e place du gala international de magie d'Amnéville, c'était en avril dernier. Donc voilà, ça nous promet, dans toutes les catégories, et notamment en magie, de très belles prestations. Oui, en effet, donc on a hâte de voir ça. Tu peux rappeler aussi le prix d'entrée? Ah, le prix d'entrée, oui, c'est 0 euro. c'est un spectacle entièrement gratuit. Parce qu'il s'agit avant tout d'ouvrir d'ouvrir ce spectacle au plus grand nombre, là, sans aucune condition de ressources. Donc voilà, c'est pour ça que c'est gratuit. Et puis il s'agit de mobiliser en tout cas le plus grand nombre de spectateurs parce que le spectacle et nos artistes le valent bien. En effet, mais tu as dit que l'entrée est gratuite, ça dure quand même 2 heures. Il y a possibilité de se restaurer ou de boire un petit coup sur place ? Oui, bien sûr, il y aura un entr'acte et à l'entr'acte un bar avec des boissons et puis de quoi grignoter, enfin des pop-corns, des gâteaux maison, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi, alors non seulement c'est gratuit, non seulement on va assister à un beau spectacle, mais en plus il est possible de gagner une nuit insolite dans un parc de loisirs des Vosges. Alors je ne sais pas si je peux le dire, non peut-être pas pour des raisons de pub, mais voilà, cette tombola permettra de gagner une nuit insolite dans ce parc, ce beau parc vosgien. Voilà. Ah, super. Eh oui. super. Et oui, donc tu as dit 2 heures de spectacle à la salle Mirecourt, l'espace Flambeau, l'espace c'est ça? Flambeau. Voilà. Oui, c'est la salle polyvalente de Mirecourt. Et il y aura bien entendu la possibilité de te rencontrer pour nos auditeurs qui auront peut-être envie de rencontrer un invité si sympathique que j'ai reçu au mois d'avril. Voilà, bien sûr. Éventuellement. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est de pouvoir rencontrer à l'issue du spectacle les artistes et puis échanger avec eux, faire des photos. On a prévu un temps à la fin du spectacle et un espace aussi pour ça, pour cet échange, pour des photos souvenirs, des dédicaces. Voilà, ça ce sera tout à la fin du spectacle, tout à la fin de la soirée, après la remise des prix. Qui se fait bien entendu dans la joie et la bonne humeur, vu qu'après tout, l'association Passion Show est une association qui, je le rappelle, fait dans les arts vivants, donc ce qui est danse, magie et tout. Tu peux rappeler un petit peu aux auditeurs, ou tu veux peut-être laisser le mystère sur la variété des prestations qu'il y aura samedi soir ? Non, je ne veux pas garder le mystère, je voudrais surtout donner envie. Hein, donc ce sont des... en fait, il y a trois catégories d'artistes. Hein. Il y a des chanteurs, des danseurs et des magiciens. Je devrais dire aussi chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses et magiciens, magiciennes. Voilà. Et il y a une certaine parité hein, dans nos prestations. Voilà. Et puis chaque catégorie se décline aussi. Hein. La danse, ça comprend de la danse latine, du rock acrobatique, de la danse orientale. En chanson, il y a des reprises, mais aussi des créations. Et en magie, c'est de la magie de scène et même aussi la magie de scène, du mentalisme et même une performance escapologique à la façon d'Harry Houdini. Mais ça, ce sera présenté donc par notre magicien Lambert du décor. Voilà. Oui, donc, Lambert qui fera un spectacle, mais tout à fait hors concours, simplement voilà, pour distraire aussi, pour faire un petit peu office d'entracte, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, il aura notamment une prestation en fin de soirée, le temps des délibérations du jury. En effet. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Hubert. Donc, je rappelle aux auditeurs, hein, samedi 2 juin à 20h30, c'est ça ? Oui, début du spectacle 20h30, mais ouverture des portes 20h. Et il est conseillé d'être plutôt là à 20h, parce qu'on attend tout de même beaucoup de monde. Donc, les premiers arrivés seront les mieux placés dans la salle. Voilà, plutôt rendez-vous 20h. Donc, pour un début de spectacle à 20h30. À 20h30, à l'espace Flambeau à Mirecourt. Écoute, merci beaucoup Hubert pour ces informations. Je te merci souhaite bon courage, bon courage pour la soirée de samedi. Et puis voilà. Hein. Merci beaucoup et en tout cas bon week-end à tous les auditeurs, en espérant donc en retrouver un grand nombre demain à Mirecourt. Voilà. Eh bien, le message est certainement passé. Merci beaucoup Hubert. Merci, bon week-end. À toi au aussi. Revoir, Lou. Au revoir. Mmh. Toujours dans les spectacles, mais on change de registre. Il s'agit d'un spectacle de marionnettes cette fois, avec Toc Toc Compagnie qui fait son spectacle Le Renard et l'Oiseau à la bibliothèque de Contrexéville à 16h. La musique commence et étend son tapis moelleux. Les contes s'y posent délicatement et invitent le public au voyage. Les aventures d'un oiseau plein de volonté, les facéties d'un renard embauché pour un curieux travail, des histoires teintées de poésie, d'humour et de petits frissons qui toucheront petits et grands. La musique jouée en direct est issue d'un répertoire des musiques traditionnelles de Suède et d'Irlande avec des emprunts à la musique baroque. Avec Alice Bimin au conte et au nickel harpa, Marc Alieri au conte et à la mandoline, l'accompagnement artistique se fait par Michel Idenoche et la durée est de 45 minutes. Le spectacle est pour le tout public à partir de 5 ans. Si vous préférez les concerts qui remuent beaucoup plus, les concerts beaucoup plus rock, le concert Nevermind au bar de la place chez Léon Othiot est fait pour vous. En effet, c'est une compilation des morceaux piliers du rock et du métal tels AC/DC, Nevermind, Scorpion et j'en passe. Donc ça se passe le 2 juin 2018 à 21h30 au bar de la place chez Léon, donc au 18 rue Charles de Gaulle au Tillot. L'entrée est intégralement gratuite et c'est pour le tout public. Vous êtes plus intéressé par la musique d'ailleurs, la musique d'Asie, la musique d'Inde même. Eh bien, le concert qu'organise le studio Microclimat ce samedi 2 juin est fait pour vous. Et pour cela, Dominique Marotel du studio Microclimat est venue nous parler du concert intitulé « Au studio ». Comme je viens de le dire à l'instant, il y aura ce week-end un concert au studio Microclimat. Et pour ça, j'ai Dominique Marotel de ce même studio au téléphone. Bonjour Dominique. Bonjour Lou. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le concert au studio ? Alors, le concert au studio, c'est un concept qu'on a lancé au mois de septembre dernier, donc 2017. Avec l'idée de renouer un petit peu avec ce qui se faisait dans les années 50-60, surtout dans le domaine du jazz, parce que voilà, on enregistrait des musiciens de jazz en live, hein, puisque c'est une musique qui peut pas trop s'enregistrer comme le rock par exemple, où on va enregistrer tous les instruments séparés, donc tous les groupes doivent jouer en même temps. Ce qui manquait souvent à ces musiciens, c'était le feeling qui est donné surtout par le public, hein, puisque c'est quand même pas facile de jouer en s'adressant uniquement à des micros et à des murs. Donc on faisait venir à l'époque du public en studio pour donner un petit peu plus de d'âme à cette musique. Et nous on a voulu renouer un petit peu avec ce concept-là, puisqu'au départ nous on est un studio d'enregistrement, on n'est pas vraiment une salle de spectacle, et donc une fois par mois, on a décidé d'ouvrir notre studio au public et au groupe de jazz pour venir faire un spectacle enregistré, filmé. Voilà. En effet, et ce concert, ce sera quel type de musique ? Alors ce concert, ça s'inscrit un petit peu dans ce qu'on souhaitait faire venir comme style musical, c'est-à-dire essentiellement du jazz au début, mais aussi de la musique du monde, c'est-à-dire là par exemple au mois d'avril on a eu un groupe de bossa nova, donc le Brésil, au mois de mai on a eu de la salsa cubaine, et puis écoutez, on va partir vers l'Inde et Calcutta, et ça sera de la musique traditionnelle indienne, donc avec ce qu'on appelle un raga. Raga, c'est une pièce musicale indienne qui qui peut durer un quart d'heure, mais qui peut durer 2 heures également. Où tous les instrumentistes commencent doucement et puis ça monte progressivement vers quelque chose de beaucoup plus rythmé qui termine un petit peu en apothéose. Donc là, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer 2 heures. Donc la première partie, elle va durer normalement entre 50 minutes, 55 minutes, avec deux musiciens qui s'appellent Joyita et Bojyoti Sanyal, donc qui sont frères et sœurs. Elle joue du sitar et lui joue des tablas qui sont les percussions indiennes. On appelle ça la reine de la percussion, donc c'est vraiment superbe. Donc ça, c'est la première partie, le premier set. Et la deuxième partie, ce seront les deux mêmes musiciens, mais accompagnés d'un guitariste jazz qui s'appelle Bernard Margarit. Et donc, ce sera une fusion un peu musique traditionnelle indienne et jazz. D'accord. Et dites-moi, donc, ça commence à 20h, c'est ça? Alors, notre principe, on ouvre les portes à 19h du studio, de manière à ce que les gens arrivent progressivement, parce qu'on fait pas de réservation. Je trouve ça un peu délicat de faire sortir des gens qui sont arrivés à l'heure pour d'autres qui auraient réservé et qui arrivent en retard. Donc voilà, les gens arrivent en général vers 19h. Nous, on propose une petite restauration. Donc bon, voilà, il y a des assiettes de charcuterie fromage ou saumon fumé, terrine de poisson, des petits desserts, des choses qui sont vraiment pas chères. Hein. Rien ne dépasse 5€. On a l'autorisation de buvette de la mairie, donc on peut servir un verre de vin ou de champagne, voilà, maximum 5€ également. Et donc le principe, c'est que voilà, les gens boivent un verre, discutent avec les musiciens qui sont déjà présents, et puis l'ambiance commence à se créer un petit peu à ce moment-là. Donc voilà, c'est un moment qui est assez convivial d'avant-concert, et le concert commence vers 20h15, quelque chose comme ça. Il commence vers 20h15, comme vous l'avez dit, Dominique. En première partie, il y a de la musique raga, et en deuxième partie, il y a du jazz fusion, c'est bien ça? Voilà, donc hein, le raga, c'est le nom de la pièce musicale, mais c'est donc de la musique traditionnelle indienne. Et donc les musiciens sont originaires de Calcutta, ils sont arrivés il y a quelques jours en France. Ils viennent séjourner quelques semaines par an pour faire quelques concerts et donner des cours de leurs instruments. Donc voilà, oui, effectivement, premier set avec de la musique traditionnelle indienne, donc originaire de Calcutta. Et puis deuxième set, musique indienne mélangée avec un guitariste jazz. Donc voilà, et comme vous l'avez dit aussi, hein, ouverture des portes à 19h, le concert débute vers 20h15, vous l'avez dit, possibilité de se restaurer, d'avoir à boire sur place. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée à payer? Oui, alors il y a un prix d'entrée qui est assez modique, qui est de 8€. Voilà, parce que ce qu'on souhaitait, c'est que quelqu'un qui a pas obligatoirement beaucoup de sous, mais qui a un billet de 10€ sur lui, peut passer une très belle soirée, c'est-à-dire payer sa place et boire un verre. Et profiter d'un chouette concert. Tout simplement. Si un auditeur a envie d'avoir plus d'informations avant d'aller à ce concert, donc le samedi 2 juin. Alors donc il peut aller sur notre page Facebook, hein, qui est Studio Microclimat. Vous pouvez également, il y a eu pas mal de publications. Hein, on passe également sur Vosges Télévisions, dans laquelle j'ai une petite rubrique où j'annonce. À chaque fois qu'il y a un concert, donc je l'annonce avec des liens pour des vidéos ou pour de l'audio. Il y a eu un petit article également dans Vosges Matin, et puis sur la page également de Sortir à Épinal, qui est le bulletin municipal. Autrement, les gens peuvent aller sur YouTube et puis taper le nom des artistes. Hein, donc Sanyal, ça s'écrit S-A-N-Y-A-L. Donc Joyita, c'est la jeune personne qui joue du sitar, et puis son frère Bojyoti qui est au tabla. Donc ils ont accès à un tas de vidéos qui ont été prises en concert, donc ils pourront se faire une petite idée de ce qu'ils viennent voir. Tout simplement. Bon bah écoutez, merci beaucoup Dominique. Donc je rappelle, hein, le concert aura lieu le samedi 2 juin aux alentours de 20h au studio Microclimat, pardon, au 20 bis quai de Donneville à Épinal. Et voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, c'est à l'adresse mail studiomicroclimat@yahoo.fr. J'imagine que les auditeurs ont toutes les informations nécessaires pour passer une belle soirée dans vos locaux. Voilà, alors ça c'est mon mail plutôt pour m'écrire, parce que je vous dis, pour avoir les infos, il vaut mieux aller sur la page Facebook du studio Microclimat. Et voilà, donc là vous aurez tous les détails. Je peux peut-être vous parler des deux autres concerts qui auront lieu au mois de juin également rapidement, puisque d'habitude on en fait un par mois, mais comme là on va fermer pendant la période d'été, juillet et août, on n'aura pas de concert, donc on va faire deux autres concerts qui auront lieu le 16 juin avec un pianiste jazz, là du coup, d'origine grecque, qui viendra avec son trio, donc qui va un peu revisiter le folklore grec sans être obligatoirement Zorba le grec et voilà, toutes ces choses très très pittoresques. Mais donc voilà, quand même une inspiration bien grecque et une chanteuse qui s'appelle Cybèle, qui viendra chanter sur une bonne partie des titres de ce concert-là. Donc c'est très chouette, un jazz très fin. Et puis le 24 juin, on a un concert qu'on a décidé de faire en... Ce sera le concert de clôture de la saison, donc en mode brunch. C'est un dimanche, donc on ouvrira les portes à 13h avec le concert vers 14h. Et donc les gens pourront venir prolonger leur petit déjeuner avec nous, donc en après-midi, et puis être chez eux aux alentours de 18-19h. Pour passer leur soirée de dimanche tranquillement en famille. Voilà. Et là, donc, ce sera avec Matteo Pastorino, qui est un Italien, clarinettiste italien, qui viendra avec son quartet, jazz également. Et le concept de son dernier album, c'est donc de composer tout autour de la musique de Modigliani. Donc, son album s'appelle Suite pour Modigliani. Et comme le précédent grec dont je vous parlais, c'est un jazz très fin et... Et vraiment très chouette. Très bien, bon, bah, je vous remercie beaucoup Dominique pour toutes ces informations. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et à vous aussi, à bientôt. À bientôt. Le week-end se termine déjà, mais ce n'est pas une raison pour prendre soin de soi. En effet, lundi 4 juin, l'Ayurveda s'invitera dans nos cuisines à travers un mélange subtil d'arômes venant de la savoureuse cuisine ayurvédique. Venez découvrir les bienfaits de cet art de vivre vieux de plusieurs milliers d'années. L'Ayurveda est le système de santé traditionnel en Inde dont on dit qu'il ajoute des années à votre vie et qu'il ajoute de la vie à vos années. Ayurveda signifie simplement connaissance de la vie et est le système holistique le plus ancien du monde. Benoît va vous initier aux principes ayurvédiques de base en apportant les trois doshas, vata, pitta, kapha, au travers des recettes alimentaires simples et pleines de couleurs, les remèdes et les inspirations pour votre bien-être. Son expérience en provenance d'Inde n'aura plus de secret pour vous. Les réservations se font auprès de Marina Petit-Demange au 06 67 76 pardon 63 58 34. Donc je répète 06 76 63 58 34. Ce sera un atelier animé par Benoît Leroy et Marina Petit-Demange et l'atelier a un prix de 40 euros. Pour plus d'informations, ça se passera sur le site shvasa.org. C'est tout pour notre billet de sortie. Je vous laisse encore avec une musique d'Inde et quelques autres morceaux pour bien amorcer le week-end et on se retrouve juste après pour la conclusion. Dukhana jiya, dar jab na lagi, dar jab. Et oui, vous l'avez entendu, c'est la conclusion qui commence à se profiler. Et avant de se dire au revoir, je fais comme d'habitude le programme de la soirée et du week-end. Donc, on retrouvera juste après l'Action Slam, donc la deuxième émission de l'Action que nous organisons en lien avec le Printemps des Poètes. Puis à 21h, ce sera l'émission Vivre et créer la montagne avec Vincent. Et la prochaine émission, c'est la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant avec moi, donc le billet de sortie. Pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, on peut se donner rendez-vous sous peu sur la page Facebook Radio Gémozo de la radio, sur notre site Radio Gémozo rubrique L'heure des loups, pour retrouver l'émission en podcast qui est aisément téléchargeable. Puis on retrouvera à 8h30 l'émission Les Vosges samedi avec Hélène de RCN. Puis à partir de 10h, Musette partie avec Cyril Renaud. Suivi de Rock à la Casbah à 21h. Et pour dimanche, ce sera la rediffusion de Musette Party à partir de 7h. Puis la rediffusion de Salut les 60 à 10h. J'ai aimé Je vous le lis avec Dominique à 16h. Et enfin, la rediffusion des Années Bonheur avec Gilou dimanche à 18h. Jazz Time avec Radio Déclic à 22h. Suivi d'une playlist de jazz. Et on se retrouvera lundi de bonne humeur pour la journée à suivre. On se retrouvera en ce qui me concerne à 18h comme d'habitude avec l'association Vosges Nature Environnement pour parler bien entendu d'environnement, de nature et de nucléaire. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Profitez bien de tous les événements qu'il y a ce week-end et on se retrouve lundi, même heure, sur Radio Gémozo.